Valérie Levé au microphone sur les ondes de CKRL 89.1 pour parler de nos amis les chiens. Et ils ont beau être nos amis, finalement, que savons-nous d'eux ? Que savons-nous de ce qu'ils voient, de ce qu'ils entendent ? Comment perçoivent-ils les humains que nous sommes ? Quelle est leur intelligence ? Bref, on peut se poser beaucoup de questions et trouver des réponses à ces questions dans un livre qui s'intitule « Un monde de chiens » paru aux éditions Multimonde l'automne dernier. Son auteur est François Y. Doré. Il est professeur émérite à l'école de psychologie de l'Université Laval. Alors, vous comprenez que ce n'est pas avec l'œil d'un éleveur de chiens qu'il a écrit ce livre, mais avec l'œil d'un scientifique qui s'intéresse à l'intelligence des animaux. Et comme il est avec nous en studio, je vais le laisser se présenter. Bonjour, Monsieur Doré. Bonjour. Oui, j'aimerais que vous vous présentiez un petit peu parce que vous êtes professeur émérite à l'école de psychologie et vous étudiez les animaux. Et habituellement, c'est dans les départements de biologie qu'on étudie les animaux. Donc, quel est le rapport entre la psychologie et les animaux ? Quel chemin avez-vous suivi pour... C'est vrai que ce n'est pas tellement connu, mais il y a tout un secteur de la psychologie qui s'appelle la psychologie comparée, qui porte sur les animaux. Et où on étudie des processus différents de ceux qui sont étudiés en biologie, et on s'intéresse particulièrement à des phénomènes comme l'intelligence, la mémoire, l'apprentissage, ce qui est moins étudié en biologie. D'accord. Donc, on parle de ce livre-là, Un monde de chiens, mais ce n'est pas le premier livre que vous écrivez, d'ailleurs, non. Et qui a trait également à l'intelligence des animaux, puisque vous avez écrit notamment un autre livre qui s'appelait Dans la tête des animaux, si je me souviens animaux, bien. Dans la tête des animaux, ce que l'on sait vraiment sur leur intelligence. Et il y en a un qui s'en vient, qui va être sur les chats. Oh, alors ça va être une l'énigme affaire. Du chat. Ça va être une affaire à suivre, alors, oui. Probablement. Donc, dans ce livre sur les chiens, quel était votre objectif en écrivant ce livre-là? Parce qu'il y a déjà une multitude de livres sur les chiens, mais vous avez pris un angle différent. Oui. Il y a une multitude de livres, de guides pratiques sur comment choisir son chien, sur comment l'élever, le dresser, etc. Mais il n'y a pas beaucoup de livres, ni en français, ni en anglais, sur une synthèse des travaux scientifiques récents. Et c'est particulièrement important parce que depuis 2000, il y a eu plus d'articles scientifiques publiés sur le chien que dans les 100 années précédentes. Et ça devient donc important de vulgariser les connaissances scientifiques parce qu'elles se sont multipliées depuis 20 ans. Est-ce que ça veut dire que le chien est un animal de laboratoire ou pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à lui d'un point de vue scientifique? Bien, on l'a utilisé pendant longtemps comme modèle animal de comportement, pour par exemple de l'apprentissage, pour le chien de Pavlov, par exemple. Mais on ne s'intéressait pas vraiment au chien lui-même. C'est-à-dire qu'on l'utilisait comme modèle de comportement en général. Mais depuis 20 ans, on s'intéresse beaucoup à l'apprentissage, la mémoire, la cognition chez le chien. Donc, on va commencer peut-être par retourner au tout début de quand le chien est devenu notre ami. Oui. Ça ne s'est peut-être pas fait du jour au lendemain. Non, comment ça a été? Ça a été un processus très long. Comment d'abord, ça s'est fait? Il y a eu des discussions pendant longtemps, même jusqu'en les années 90, sur l'origine du chien. Certains pensaient qu'il descend du chacal, etc., ou de croisement entre le chacal et le loup. Mais en fait, il descend vraiment d'un ancêtre commun, d'un loup qui est maintenant disparu. Et le chien a commencé à se différencier du loup, à être différent du loup, il y a 100-150 000 ans. Et vous avez mentionné en introduction la dentition et 28 000 ans. C'est là, on peut dire que il est différent sur le plan morphologique, anatomique. Mais ce n'est pas encore un chien vraiment domestiqué. Le chien a été domestiqué. On a des indices clairs de la domestication à partir de 14 700 ans, donc 15 000 ans en gros. C'est le premier être vivant à avoir été domestiqué. Souvent, on ne sait pas ça, là, mais bien avant le chat, le cheval, etc. Ouais. Parce qu'en fait, par domestiqué, on entend qu'il est... Parce qu'il pourrait venir vivre proche des humains, comme finir des restes de nourriture, mais ça ne veut pas dire qu'il est domestiqué. Non. C'est ça. Mais la domestication du chien a commencé comme ça. Il a commencé à côtoyer nos ancêtres chasseurs-cueilleurs en allant chaparder de la nourriture dans les campements des chasseurs-cueilleurs. Et de cette façon-là, il s'est plus ou moins auto-apprivoisé. Il y a eu une phase ensuite de sélection artificielle involontaire. Ce qu'on pense, c'est que probablement que nos ancêtres recueillaient des louveteaux abandonnés. Si ils étaient obéissants, ils les gardaient. S'ils ne l'étaient pas, ils s'en départissaient. Et donc, graduellement, il y a eu comme une sélection artificielle de docilité. Et il y a eu vraiment, la sélection artificielle a vraiment commencé pour séparer encore davantage le chien du loup, quand les humains se sont rendus compte qu'ils pouvaient les croiser pour avoir des chiens qui les aident beaucoup dans la chasse ou dans d'autres tâches mm-hmm. comme garder les troupeaux. Mm-hmm. Alors, c'est un très long processus qui a commencé par un auto-apprivoisement, par une sélection artificielle involontaire et ensuite une sélection artificielle mm-hmm. volontaire. Alors aujourd'hui, on a une pléthore de races. Oui. Je me demande combien il y en a d'ailleurs. Beaucoup. Ouais. Et puis, elles sont vraiment très différentes les unes des autres, au point qu'on se demande si elles peuvent encore se croiser. D'ailleurs, quand on voit des petits chihuahuas avec un Doberman, on se demande s'ils peuvent encore se croiser sans l'aide de l'humain. Oui. Mais vous dites dans votre livre, vous parlez d'un mystère des races. Ben, c'est-à-dire qu'il y a deux hypothèses. Il y a une hypothèse qui donne des origines multiples aux races, puis il y a une hypothèse qui dit que ça vient d'une origine unique. Mais le principe, ce qui est l'idée généralement acceptée, c'est ce qu'on appelle un effet fondateur à répétition. En biologie, un effet fondateur, c'est bien connu. C'est un groupe qui appartient à une grande population, est isolé de la population. Et en étant séparés de la grande population, ils sont moins nombreux. Alors, le brassage des gènes se fait différemment, de sorte que cette sous-population-là devient de plus en plus différente. Et on pense que les races auraient été des effets fondateurs à répétition à différents moments, dans différentes régions, l'Asie, l'Europe, etc. Et aussi la diversité des races. On pense que pendant un certain temps, les chiens devenus domestiqués ont continué à s'accoupler de temps en temps avec les loups, ce qui a augmenté la diversité. Et à partir du milieu du 19e siècle, il y a eu des clubs canins qui ont séparé vraiment les races de sorte qu'elles ne se reproduisent plus entre elles, ce qui fait que ça a augmenté la différenciation des races. Donc maintenant, on a tous ces chiens qui sont vraiment très différents, comme je le disais tout à l'heure, mais elles ont quand même des caractéristiques communes. Si on regarde quand même leurs capacités sensorielles, sont toutes capables d'avoir un odorat très sensible, peut-être d'entendre certains sons que nous, on n'entend pas. Donc on va faire un petit peu un panorama de leurs capacités sensorielles, peut-être en commençant par la vue. Oui. Donc comment ils voient les chiens? Est-ce qu'ils voient en couleur? Est-ce qu'ils voient mieux dans le noir que nous? Comment ils voient? Parfois, les gens pensent que les chiens voient dans le noir. Ils ne voient pas dans le noir, mais ils sont plus sensibles que nous à la lumière. Ils ont besoin de 5 fois moins de lumière que nous pour voir. Donc, ils peuvent éviter les obstacles plus facilement puis trouver les objets qu'on a à trouver. Quand il s'agit d'objets immobiles, les chiens ont une moins bonne acuité visuelle que nous. Par exemple, nous, on peut distinguer un objet immobile à 22 mètres. Eux, passer 6 mètres... Un objet immobile ne le voit plus. Okay. Même chose, un objet, inversement, un objet qui est à l'intérieur de 25 cm, il ne le voit pas. C'est comme s'il était presbyte. Par contre, quand c'est des objets en mouvement, là, ils sont bien meilleurs que nous. Un chien peut voir une proie ou un geste d'un berger à 1,5 km. Oh, c'est loin, ça. Oui, ils sont très bons pour les objets en mouvement, ce qui explique que quand on joue à la balle avec eux, ils sont extrêmement rapides. Et qu'on ne peut pas les égaler de ce point de vue-là. Est-ce que ce n'est pas non plus une question de réflexe? Non, c'est vraiment une question de vision. Okay. Oui. Ouais. Sans vouloir entrer dans les détails. Ils ont aussi un champ visuel plus large que le nôtre. De sorte que quand on marche avec un chien, il ne tourne pas toujours la tête vers nous, mais il nous voit quand même parce que son champ visuel, dépendamment de la race, est de 250 à 280 degrés, alors que nous, c'est 180 degrés. Par contre, nous, notre vision binoculaire, c'est-à-dire la vision des deux yeux, est meilleure. Et comme la vision binoculaire, c'est ce qui nous permet de voir le relief, la profondeur, mais les chiens sont moins bons que nous là-dedans. Aussi, contrairement à ce qu'on a cru pendant longtemps, ils ne voient pas juste en noir et blanc ou en gris. Ils ont une palette de couleurs, mais moins large que la nôtre. Par exemple, ils ne voient ni le rouge ni l'orange. Et comme les daltoniens, ils confondent le rouge et le vert. Mm-hmm. À cause de ces différences visuelles, ils ne portent pas attention aux mêmes choses que nous. Ouais, c'est peut-être bon à savoir quand on a des jouets, qu'on va leur donner des jouets pour jouer, faire attention peut-être aux couleurs. S'ils ne voient pas certaines couleurs, là, ils vont voir par les nuances de gris. Là. Oui, puis le mouvement. Le mouvement, c'est ça. Ils compensent les carences de la vision par l'odorat, par l'ouïe. Oui. Alors, allons maintenant dans l'ouïe. On dit que les chiens entendent les ultrasons. Oui. Quand on compare l'étendue des sons, des fréquences sonores qu'entendent les chiens et les humains, dans les sons graves, les basses fréquences, il n'y a pas beaucoup de différence. On entend à peu près la même chose, mais dans les sons aigus, les hautes fréquences, les chiens entendent des ultrasons que nous, on n'entend pas. C'est pour ça qu'il y a un sifflet que les dresseurs utilisent, qu'on appelle le sifflet de Galton, qui est des ultrasons. Nous, on ne les entend pas, mais les chiens les entendent. L'acuité auditive du chien est bien meilleure que la nôtre. Un son faible que nous, on n'entend plus à 5 mètres, le chien l'entend encore à 22 mètres. Ah oui? Oui, ça, il y a une... Et une des raisons pourquoi son acuité auditive est meilleure, c'est qu'il est capable de bouger les oreilles, d'orienter ses oreilles vers le son, donc son conduit auditif et son tympan, ce qui lui permet de... Le pavillon, là, ça fait... Il y a 18 muscles pour faire bouger une oreille. Alors, ah oui? Et nous, si on arrive à bouger l'oreille, c'est tout un exploit. Oui. Il y a aussi le type de sons qui sont émis qui vont influencer le chien. Par exemple, des sons graves vont permettre de calmer un chien, de l'inhiber ou de le réprimander. Tandis que si on veut l'inciter à agir, on va utiliser des sons aigus, courts, vigoureux. C'est ce que les bergers font naturellement. Mmh. Quand ils veulent stopper leur chien, ils utilisent des sons graves. Puis quand ils veulent le faire courir après le troupeau, ils utilisent des sons aigus et vigoureux. Ah oui, oui. Mais est-ce qu'ils sont capables de percevoir de la différence entre certains mots? Oui. Qu'est-ce qu'ils perçoivent finalement de ce qu'on dit? Est-ce que c'est juste un charabia ou est-ce qu'ils vont percevoir des mots, des syllabes? Oui, et peut-être on pourra en parler tantôt. Il y a eu des expériences, mais c'est parce que c'était fait avec un ou deux chiens. Mais il y a des chiens qui comprennent un nombre de mots et même de phrases assez complexes. Mm-hmm. Ils comprennent. Mais est-ce que tous les chiens le font? Ouais. Particulièrement les border collies. Sont particulièrement bons pour comprendre le langage humain. Mm-hmm. On peut peut-être passer à l'odorat, parce que là, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert en lisant votre livre. On sait qu'ils sont, ils ont une sensibilité, une olfaction vraiment beaucoup plus développée que la nôtre. Ils sont capables de sentir des molécules que nous, on ne peut pas sentir. D'ailleurs, on les utilise pour détecter toutes sortes de produits. Mais ce que j'ai été étonnée de dire, c'est qu'ils ont... Ils sentent en stéréo, donc ils ne sentent pas la même chose dans les deux narines. Oui, et ce qui permet de localiser les odeurs, ce qui facilite pour eux la localisation des odeurs, un peu comme nos deux oreilles, comme les sons n'arrivent pas en même temps, ça permet de localiser le son. Mais les chiens, comme les deux narines ne sentent pas la même chose, sont capables de localiser les odeurs. Ils ont un système, j'enseignais, je disais aux étudiants, nous on voit en couleur, eux ils sentent en couleur. Ils ont vraiment... D'abord, ils ont deux systèmes d'odorat. Ils ont le système, le nez, comme tout le monde, tous les mammifères, et qui permet de sentir les substances volatiles dans l'air. Puis ils ont aussi, comme beaucoup de mammifères, un système voméronasal qui est dans le palais, qui leur permet de sentir, mais c'est sentir et goûter des substances semi-liquides. Par exemple, les phéromones émis par une femelle. Mm-hmm. Ils ont plusieurs particularités qui font qu'ils ont un bon système olfactif. D'abord, la truche du chien est toujours humide, ce qui fait qu'ils vont recueillir plus d'odeurs transportées par l'air. Ils échantillonnent l'air ambiant plus souvent. Nous, lorsqu'on inspire, on sent les odeurs, on inspire, puis si on expire, on rejette les odeurs. Le chien, lui, a une narine avec une espèce de repli qui fait que s'il expire, il garde les odeurs dans son nez quand même. Alors, il peut il peut garder une odeur tout en expirant. Ce qu'on peut pas le faire. Le petit pli qu'on voit juste à la au bout du nez, oui. Ah, oui. Dans les ailes du nez, là, oui. Donc, il sent aussi en stéréo, parce que les deux narines ne sentent pas la même chose. Et quand on regarde la surface de la muqueuse nasale, là, la partie sensible aux odeurs, chez nous, c'est 5 cm carrés, mais chez un chien, c'est beaucoup plus grand. Par exemple, chez un cocker anglais, c'est 60 cm carrés, puis un berger allemand, c'est 200 cm carrés. Oula! Même chose pour les récepteurs sensoriels. On en a 5 à 6 millions pour l'odorat, tandis que les chiens en ont 200 à 300 millions. Ah oui. Donc, il y a des bonnes raisons pour lesquelles ils sentent mieux. Oui, c'est ça. C'est plus que décuplé, là. C'est centuplé. Mais donc, ils sentent mieux. Donc, ils ont besoin de moins de molécules pour la sentir. Mais est-ce qu'ils sont aussi capables de sentir des odeurs que nous, on ne sent pas? Parce que, quand, par exemple, nous, si on doit nous entraîner pour sentir des drogues, je ne suis pas sûre qu'à distance, on sente grand-chose. C'est sûr qu'eux, ils sont capables de sentir des concentrations infimes à cause de leur système olfactif. Alors, maintenant, on utilise le chien dans la criminalistique pour trouver des gouttes de sang, des cadavres, etc. Mais on utilise aussi en médecine pour détecter des cancers, de l'hypoglycémie. Parce que l'explication pour la capacité des chiens à détecter les cancers, c'est que toute cellule émet des substances volatiles, mais quand elle est cancéreuse, la substance change. L'odeur change. Nous, on ne le perçoit pas, mais eux le perçoivent. Mais c'est dans le corps humain, ça. Donc, il faut que ce soit... Oui, mais faut que ça sorte. Ça sort en substance volatile dans l'air. Et d'ailleurs, il y avait eu un incident à l'Assemblée nationale où un chien avait senti une crise hypoglycémique d'une députée. Ah oui? C'est pas de légende, là. C'est vraiment, c'est bien démontré maintenant. Impressionnant. Peut-être qu'on pourrait en venir, Monsieur Doré, maintenant aux capacités cognitives des chiens, parce que des fois, c'est vrai, on a l'impression qu'on peut leur apprendre quelque chose qui a quand même un certain niveau d'intelligence, de compréhension. Donc, et peut-être qu'aussi on peut commencer par parler de la mémoire, parce que je me dis, pour apprendre quelque chose, il faut déjà se souvenir de la leçon. Oui. Donc, est-ce que les chiens ont une certaine mémoire? Est-ce qu'ils se souviennent? J'ai souvent entendu des gens dire ou me poser la question, les chiens vivent dans le présent puis ils n'ont pas de mémoire. Ils n'ont pas une mémoire. Comme nous, ils ont plusieurs mémoires. Mm-hmm. On a plusieurs systèmes de mémoire. Puis on distingue habituellement ce qu'on appelle la mémoire de travail, qui est la mémoire à court terme, puis la mémoire de référence ou mémoire à long terme. La mémoire à court terme, par exemple, la mémoire de travail, ça maintient un souvenir pour quelques secondes ou quelques minutes. Par exemple, quand un chien voit disparaître un objet, un jouet ou quoi que ce soit, il le retient pendant quelques secondes. Et il va éventuellement le transférer en mémoire à long terme. La mémoire à long terme ou mémoire de référence, il y a deux grands types. Il y a une mémoire, ce qu'on appelle la mémoire procédurale, c'est par répétition, on finit par exemple à la bicyclette, on n'a pas besoin d'y penser. On va à bicyclette automatiquement et on n'a pas besoin d'évoquer le souvenir de comment on pédale pour aller à bicyclette. Un peu la même chose avec le chien. Un chien qui a appris un comportement, par exemple, qui a été dressé à marcher au pied, mais il n'y a pas besoin de s'en rappeler tout le temps, c'est automatique. Ah ouais. Ça, c'est ce qu'on appelle la mémoire procédurale. Il y a ce qu'on appelle la mémoire déclarative, qui a deux sortes de souvenirs, des souvenirs sur des faits. Qu'est-ce qu'un fait pour un chien? Par exemple, à 4 ou 5 semaines, un chien reconnaît l'odeur de ses frères et sœurs. 2 ans plus tard, il est capable d'évoquer ce souvenir-là et de savoir que c'est de reconnaître ses frères et sœurs. C'est étonnant, mais c'est vrai. C'est étonnant, oui. Et l'autre système de mémoire déclarative, c'est la mémoire épisodique. C'est ce qu'on peut appeler la mémoire autobiographique. Le souvenir de quel événement s'est produit, où et quand. Il y a des animaux, il y a notamment des oiseaux qui cachent la nourriture où on peut démontrer qu'ils ont une mémoire épisodique, qui se souviennent du « où », du « quand » et du « quoi ». Le chien, on a démontré le « quoi » et le « où », le camp n'a pas encore été démontré. Les trois éléments ne sont pas réunis dans les expériences qui ont été faites jusqu'à maintenant. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. Donc, on ne peut pas affirmer que le chien vit dans le présent. Non, effectivement. Je vois que le temps passe quand même assez vite, puis il y a vraiment beaucoup de choses à aborder. Donc, le chien est capable, grâce à cette mémoire et peut-être d'autres facultés cognitives, est capable d'apprendre. Qu'est-ce qu'on peut lui apprendre? Assez rapidement, parce que je vois que le temps passe. Il y a tout ce qu'on apprend par dressage au chien, mais le chien apprend lui-même des choses. Il apprend à reconnaître des personnes, il apprend à reconnaître des voix, il apprend à reconnaître d'autres chiens. Il y a des apprentissages qu'il fait par lui-même. Et ça, c'est à force de répétition. Il y a une autre forme d'apprentissage, si on va vite, qui est l'apprentissage social ou l'imitation. C'est-à-dire qu'en regardant les autres chiens, et parfois même un humain, ils vont être capables de reproduire le même comportement. Il y a eu des débats pendant 100 ans sur est-ce que les chiens sont capables d'imitation. Et dans les dernières années, on l'a démontré que clairement, ils sont capables d'imiter. D'accord. Et est-ce que les différentes races montrent différentes aptitudes d'apprentissage? Les études sont pas très poussées là-dessus, sur les différences entre les races, mais on peut, par exemple, le Border Collie est très sensible aux commandes verbales, mais pas tous les chiens qui le sont. Un chien, c'est sûr qu'un chien de chasse rapporteur, il y a des choses qu'il apprend plus facilement que d'autres animaux. Oui, parce que peut-être qu'il y a des races qui sont plus têtues. On a l'impression, d'ailleurs, vous allez peut-être l'écrire dans votre prochain livre, vous l'avez peut-être déjà écrit, on a l'impression que le chat, c'est pas parce qu'il est pas intelligent, mais il a l'air un peu têtu, on dirait. Il a l'air un peu plus indépendant. Mais est-ce que donc on peut dire que dans les chiens, il y a des différences comme ça, certains qui vont se prêter plus facilement à l'apprentissage et d'autres qui vont rester un peu indépendants? Tous les chiens, tous les chats apprennent. OK. Ce qu'ils vont apprendre peut varier. Le rythme auquel ils vont apprendre peut varier, mais la plupart des animaux sont, même c'est assez étonnant, il y a des animaux extrêmement simples qui sont capables d'apprentissage. C'est sûr que les mammifères, les vertébrés sont capables de faire des apprentissages plus complexes, mais tous les chiens apprennent. Et comment le chien a interagi avec l'humain? Parce que pour apprendre, il faut qu'il ait une certaine interaction avec l'humain. Donc comment il fait? Il est sensible à nos gestes, au son de notre voix? Comment il interagit? Est-ce qu'il nous guette? Est-ce qu'il guette nos gestes? Oui, les chiens sont très attentifs à nos gestes. C'est très, très bien démontré. Il y a différentes tâches là, qui ont été utilisées pour le faire. Je n'entrerai pas dans les détails, mais un des gestes qu'ils comprennent le plus facilement, c'est le pointage avec le doigt. Si on pointe quelque chose, ils vont savoir qu'il y a quelque chose d'intéressant qui est là. Ça peut être par le regard aussi. Mais est-ce qu'ils vont voir le bout du doigt ou ils vont regarder vraiment dans la direction du doigt? Par la direction du doigt, par exemple, je vais donner l'exemple de la tâche la plus simple. On a deux contenants opaques. À l'insu du chien, on cache la nourriture dans un des deux contenants. Quand on ramène le chien, on pointe le contenant où il y a de la nourriture, puis il va le chercher là. Ce qui est assez exceptionnel parce que c'est un comportement spontané et réussi dans 90% des cas. Alors qu'un chimpanzé, ça prend plusieurs essais avant qu'ils comprennent. Pourtant, c'est notre plus proche parent. Donc, ils comprennent bien les gestes, ils comprennent bien l'orientation du regard. Ils comprennent quand on leur porte attention. Si vous donnez une commande à un chien et vous ne le regardez pas, il ne la fera pas, la commande. C'est aussi simple que ça. Il va aller quêter de la nourriture à une personne qui lui porte attention. Ils reconnaissent dans une certaine mesure nos expressions faciales, selon qu'on est triste ou on est joyeux. Oui, c'est ça que j'allais vous demander. Est-ce qu'il sent un petit peu est-ce qu'il est un peu empathique par rapport à nos émotions? Ça, c'est une autre question. Peut-être pas empathique, mais est-ce qu'il perçoit nos émotions? Ils reconnaissent les expressions faciales, mais les données ne sont pas encore très claires là-dessus. Mais ils reconnaissent, ils font la distinction des émotions positives et négatives. Ils sont aussi, et certains chiens comprennent les expressions verbales. Il y a un cas célèbre d'une chienne qui s'appelle Chaser, qui est une border collie, qui avait appris au-dessus de 1200 mots différents, qui est capable de distinguer une phrase, si on dit « au frisbee apporte la balle et la balle apporte au frisbee », elle fait la distinction entre les deux. Ah oui. Mais ça a pris 3 ans à l'entraîner à raison de 5 heures par jour. Ah, quand même! mais il faut penser, oui, mais ça a l'air beaucoup, mais il faut penser qu'un enfant... On passe beaucoup de temps à lui enseigner les mots. C'est vrai. Mais en tout cas, c'est vraiment fascinant. Je pense que c'est vraiment beaucoup de choses qu'on a à découvrir dans ce livre. Là, on en a fait juste un survol. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut découvrir à travers les 200 et quelques pages de ce livre, dont je rappelle le titre, « Un monde de chiens », qui est paru aux éditions Multimonde. Alors, merci beaucoup, Monsieur Doré, d'être venu au micro de Futur Simple pour nous en parler. Et je rappelle que vous êtes professeur émérite à l'École de psychologie de l'Université Laval. C'est l'heure pour une pause sur CKRL 89.1, mais restez avec nous car on a toute une histoire de planètes prédites, recherchées et jamais trouvées à vous raconter.